touche plus, mal à gauche, tout dur. Malade, non, j'ai passé l'arme à gauche, c'est tout vu. Être vivant est à la mode, je suis dépassé. Entre moi et la mort, man, c'est à la vie, à la mort. Aïe, sur le billard, inerte, encore hilar. Volonté, j'ai des putains de jantes sur le corbillard. Alors, pleurez pas les frères, j'ai mon propre orgueil. À mon enterrement, promis, y'aura des pom-pom girls, bordel. Pas de discours, je veux que mon disque tourne, mon history. Je percerai les cieux au bistouri. Chérie, je suis parti trop vite pour une fois. Je te kiffe depuis au moins 7 ans, c'était au mois de septembre. Dans mon testament, n'attendez rien, j'ai tout claqué pour ce jour être sur mon 31. Alors, verser une goutte d'Hennessy pour mon départ. Je dépose ma haine ici, de façon, ce mon départ. Je ne demandais pas pourquoi ce mon départ. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Ne me demandez pas pourquoi ce monde est barge. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Hey, hey. Vous allez pleurer quoi de moi? Allez, disons trois, voyons ce qu'ils diront de moi. Les haineux sont pires qu'on ne croit. Grave, l'heure est grave, salutations, ça tuera le son grave. Et non, y'aurait saturation. Départ inopiné pour un opprimé. La faucheuse ironique, elle s'est pointée avec un opinel. Petit cortège sous un arche lunaire. C'est la MPC qui composera la marche funèbre. Putain de funérailles, y'en a qui fument de la haïa. Y'a moyen de confondre tout ça avec un mariage. J'suis loin du rap, man, des destins durables. La vie est une maladie incurable, grave. Oh, plein de courage, moi, non, je simule. J'pensais pas qu'être décédé serait aussi nul alors. Verser une goutte de rhum pour mon départ. J'étais qu'un petit bout d'homme qui vécut dans ce monde de barge. Ne me demandez pas pourquoi ce monde est barge. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Ne me demandez pas pourquoi ce monde est barge. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Pareil que ça va chauffer pour moi, quel dénouement. Mesdemoiselles, pleurer sur ma vie, faut que ça fasse émouvant. J'étais pas si mauvais, en grattant un peu, tu trouvais l'amour, l'amitié et le talent d'un grand rappeur. Ma vie est morte, man, ouais. Et c'est le ras-le-bol. Et c'est maintenant qu'ils diront du bien de mon album. Ils diront qu'il était méchant, il était gentil, mythomane. Et non, les gars, je compte sur vous pour démentir. Puis, ils diront, il laisse ses délires derrière lui. Je vous laisse ce monde de barge et ça, c'est ma dernière ligne. Quitter ce monde de barge. Ne me demandez pas pourquoi ce monde est barge. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Ne me demandez pas pourquoi ce monde est barge. Le jour de mon départ, à part, vous demandez pardon, par contre ne pleurez pas. Parlons avant que je ne pars cash et quitte ce monde de barge. Avant que je quitte ce monde de barge.